Chapitre 19. Le guet-apens. Jamais comme ce soir-là, Jean Mareuil n'avait semblé à Gilberte plus digne d'être aimé. Ces Pauillac, qui avaient été les premiers artisans de leurs fiançailles, donnaient une soirée de comédie dans leur palais de l'avenue Kléber. Pendant les longs entr'actes, Jean Mareuil et Gilberte, éblouissants de bonheur, de jeunesse et de beauté, ravissaient leurs amis, remportaient l'un de ces triomphes enivrants dont le souvenir suffit parfois à parfumer toute une vie, et chacun d'eux avait pour l'autre les yeux de cette foule charmée. Ces sortes de réceptions ne se prolongent jamais très avant dans la nuit. Il n'était pas 1 heure du matin quand on se sépara. Jean Mareuil, fine silhouette noire et blanche, regarda démarrer la limousine illuminée où Gilberte et sa tante s'installaient dans tout le luxe des bijoux, des soies et des fourrures d'été. Puis il monta dans son cabriolet et rentra chez lui. Lionel de Prades n'avait pas paru chez les Pauillac. À Neuilly, dès que Madame de Prades eut le pied hors de la limousine, elle déclara qu'elle n'avait pas sommeil. Et, s'éternisant dans la chambre de sa nièce, elle se mit à causer de choses et d'autres. On congédia les femmes de chambre. Assise sur le lit de Gilberte, Madame de Prades bavardait avec une animation surprenante. La jeune fille attendait sans impatience que sa tante la laissât. Mais bien que la nuit s'avançât et que tout dormît dans l'hôtel, la vieille dame n'en finissait pas d'égrener des souvenirs et de raconter mille riens sans suite. Gilberte commençait à trouver sa tante bien bizarre lorsqu'on entendit, dans l'avenue, le ronronnement discret d'une automobile. Devant l'hôtel, 3 coups de klaxon, bref, retentirent. Et l'automobile s'éloigna pour s'arrêter, semblait-il, à quelque distance. La jeune fille, légèrement surprise, regarda Madame de Prades, qui, selon elle, devait partager son étonnement. Elle fut frappée de la voir tout à coup changer de figure, prendre un air solennel, gravement émue, se lever, toute droite dans sa robe de soirée noire lamée d'argent, et lui dire, comme on annonce un malheur, « Gilberte, mon enfant, pardonne-moi la peine que je vais te faire. » « Attends-toi à un gros chagrin, ma petite Gilberte. »« Tante, tante !» supplia la malheureuse, suffoquant. « Qu'y a-t-il, mon Dieu ?» Madame de Prades éteignit l'électricité. « Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Tante, que se passe-t-il ? » Dans l'ombre, Madame de Prades ouvrit les rideaux de la fenêtre. La lune, à travers les persiennes, coula des rayures opalines. Gilberte, défaillante, le cœur battant en tumulte, sentit des bras l'envelopper avec tendresse. « ma chérie, il va falloir montrer beaucoup de courage. Celui que tu aimes est indigne de toi. » Un cri de révolte, un sanglot d'horreur lui répondit. « Non, Gilberte, il n'est pas ce que tu croyais. Expliquez-vous, tante, c'est affreux. Tu vas toi-même te rendre compte. « Viens !» Désespérée, désemparée, parlant comme une suppliciée, elle demanda « Mais où? Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Tu vas le savoir bientôt, ma petite fille. Calme-toi, je t'en prie, si tu m'aimes un peu. »« J'ai entendu la grille se fermer, » dit Gilberte. « Qui est là ?» Madame de Prades s'approcha de la fenêtre et regarda à travers les persiennes. « C'est Lionel qui rentre. Viens avec moi, Gilberte, et, quoi qu'il arrive, ne dis rien, n'est-ce pas ?»« Oh, mon Dieu, mon Dieu !» répétait la jeune fille chancelante et qui frissonnait comme par un grand froid. « Jean, mon Dieu, qu'a-t-il fait? Je l'ai bien trouvé un peu étrange parfois, mais enfin... Oh, Jean, Jean !» Elles descendirent l'escalier, la tante soutenant la nièce et gardant un silence habile, mais cruel. Le clair de lune bleuissait de sa pâle lumière le vestibule. La porte du cabinet de travail était ouverte. Au fond de la pièce, on apercevait la croisée, dont les persiennes n'avaient pas été closes, ni les rideaux joints. Dans le vestibule, la grande ombre de Lionel se découpait sur une nappe de clarté devant le vitrage de la porte d'entrée. Tout le reste n'était que ténèbres. Lionel tourna la tête et fit un signe. « Venez !» Plus morte que vive, Gilberte suivait la main qui la guidait, pressant la sienne. Un paravent se trouvait là, non par hasard. Lionel l'avança devant le vitrage, le moins qu'il lui fût nécessaire, et poussa Gilberte derrière cet abri, en face d'une petite ouverture qu'on y avait pratiquée et qui permettait de voir au travers. Gilberte, comme dans un cauchemar funèbre, vit la cour baignée de lune, ses pavés neigeux de clarté, sa grille noire. Madame de Praz tenait dans ses mains brûlantes les mains glacées de la pauvre enfant. « Qu'est-ce que je vais voir, tante? Oh! Oh! Par pitié, dites !»« Chut, Gilberte, ma chère, chère petite, un peu de patience et surtout pas de bruit. » « Oh, vous me torturez! Oh, oh !» Le gémissement se prolongeait, si douloureux. « Regarde !» dit brusquement Madame de Praz. Un silence de plomb s'abattit. Une ombre humaine escaladait la grille. Gilberte retenait son souffle. Lionel et sa mère s'étaient fondus dans l'obscurité et le silence. L'ombre vivante enjambait le faîte de la grille. Un homme, agile, précis, souple, franchissait la clôture. Il portait sur le dos une charge. Ses pieds se posèrent sans bruit sur le sol, et il se mit à longer le mur qui faisait de l'ombre, glissant tel qu'un personnage de rêve. Gilberte sentit qu'on la tirait en arrière. Obéissante, elle recula. Le paravent la suivit sans qu'elle sût comment. L'homme fut dans le vestibule avec une soudaineté incompréhensible. Ouvrir la porte vitrée qui laissait entrebâillée n'avait été pour lui qu'un jeu. Sa stature svelte s'enlevait, encadrée par le rectangle clair. Les rayons de l'astre cernèrent son profil d'un trait d'argent. Gilberte tressaillit. Une main puissante se plaça sur sa bouche. Elle comprit que Lionel la surveillait. Avec un clic métallique, une prunelle aveuglante s'alluma. L'homme, qui s'approchait, faisait jouer sa lampe électrique. Elle n'éclaira que des meubles, des portières, un paravent. La gerbe lumineuse s'éteignit presque aussitôt, après avoir repéré la porte du cabinet de travail. L'homme s'y engagea, et Gilberte, cédant à la pression d'un bras viril, se remit en mouvement. Dirigée, soutenue à droite et à gauche, presque portée, elle atteignit le seuil du cabinet. Le tapis étouffait les pas. Cependant, une deuxième forme nocturne pénétrait dans le vestibule. Gilberte, épouvantée, reconnut l'épaisse corpulence et les longs bras de cet aubry qui lui faisait horreur et dont elle devina bientôt, derrière elle, la présence taciturne. Mais on la poussait encore. Elle fut immobilisée dans l'embrasure de la porte. Sous ses yeux, le cambrioleur s'enfonçait dans le cabinet de travail. Il se profila de nouveau, en ombre chinoise, sur l'écran de la fenêtre, avec la visière de sa casquette et sa chemise déboutonnée. Pour la seconde fois, Gilberte eut un spasme qui la violenta, et la main, toujours proche, s'appliqua sur ses lèvres. Le coffre-fort surgit soudainement. La petite lanterne le balayait d'un jour mobile. Puis, posée à terre, elle le garda dans son rayonnement fixe. L'ombre humaine, la chère ombre élégante, déposa sur le tapis, au pied du coffre, une trousse. Des outils brillèrent. Deux tubes, avec des tuyaux, furent maniés. Le cambrioleur Jean Mareuil, le perceur de coffre-fort Jean Mareuil, apprêtait son arsenal. Sa figure sortit des ténèbres. Il n'y avait rien de plus abominable que de la reconnaître, crispée dans un affreux rictus, animée de ce regard de brute impitoyable. Ses doigts, atrocement experts, manipulaient des appareils de laboratoire. Une allumette craqua. La face penchée refléta sa lueur dansante. Un souffle, alors, fit irruption dans le silence et la flamme du chalumeau darda son jet violent aux nuances chimiques. Jean Mareuil la régla sans hâte, comme fait le bon ouvrier dans une honnête usine. Et Gilberte voyait cela. Sa souffrance était de celle dont on ne guérit pas. Éperdue, martyrisée, assistant par alerte à la ruine de son bonheur, les yeux brûlés par le spectacle abject dont on les emplissait, elle atteignit la limite de sa résistance à la douleur. Elle ne pouvait plus supporter le supplice de cette scène indicible. Prompte, la paume vigilante la bâillonna. Mais, arrachant de ses lèvres l'insupportable étreinte, Gilberte se dégagea d'une convulsion. Et son cri, son appel déchirant, son sanglot de souffrance et de désespoir s'élança d'elle comme le sang d'une blessure. « Jean !» D'un vif mouvement, le cambrioleur s'était retourné. Mais quelqu'un, dans le vestibule, répondit à l'appel. « Présent !» Voix claironnante, voix joyeuse, voix de victoire, voix de prodige, voix bien-aimée, voix qui fit sursauter les corps au milieu de l'ombre. Or, tout resplendit comme par enchantement. Le cambrioleur lui-même avait donné la lumière dans le cabinet et il regardait, comme les autres, celui qui venait de s'annoncer si merveilleusement, Jean Mareuil, Jean Mareuil en habit de soirée, un œillet blanc à la boutonnière, le visage en fête et l'amour aux yeux. Il y eut alors un de ces instants cataleptiques de silence et d'immobilité où tout s'arrête, où le temps même paraît suspendu, où passe l'ange hallucinant de la stupeur. Le cinéma de la vie stoppa, l'espace de 2 secondes, sur cette scène sensationnelle. Pendant 2 secondes, les cerveaux bouleversés cessèrent de fonctionner. Puis Gilberte, Madame de Praz, Lionel et Aubry reportèrent leurs regards sur le cambrioleur. « Messieurs et dames, » dit-il en touchant sa casquette. Il semblait être un Jean Mareuil déguisé et maquillé. Ses poches sous les yeux, ses stigmates menaçants, n'étaient-ils pas tout simplement des traits de crayon ? Cependant, les 4 témoins de cet étrange vis-à-vis regardaient tour à tour les 2 Jean Mareuil et des différences se précisaient pour eux. L'incertitude s'évapora. Il n'y avait là qu'une ressemblance, rien de plus. Gilberte était déjà dans les bras de son fiancé, la tête blottie sur le plastron blanc boutonné d'une perle, quand Lionel, s'adressant à lui et désignant le rôdeur, « Qui est cet homme ?» demanda-t-il avec colère. Bescar Léon, surnommé Freddy la Couleuvre, répondit Jean Mareuil d'une voix nette et ironique. Freddy me ressemble comme un frère, surtout la nuit, quand on ne nous voit pas l'un près de l'autre. Et voilà tout. Il écarta doucement Gilberte et s'avança dans le cabinet. Mais toute gaieté avait disparu de son visage et il montrait une expression autoritaire qu'on ne lui connaissait pas. Il dit « Eh bien, Freddy, qu'attends-tu pour ouvrir ce coffre? Nous t'avons interrompu. Continue, mon ami, continue !» Le chalumeau soufflait toujours, venteux, inépuisable, pointant sa flamme véhémente, avide d'attaque et de pénétration. Freddy, sans un mot, s'agenouilla et saisit l'appareil. Madame de Praz, qui haletait, s'écria d'un ton altéré « Non, monsieur, arrêtez !» Elle se tenait là, vacillante, tourmentée. « Alors, lui dit Jean Mareuil, donnez-moi la clé, cette clé qui ne vous quitte jamais. »« À quoi bon, monsieur? Nous vous avons menti, Lionel et moi. Ce coffre ne contient pas de titres au porteur. Je l'avoue, ce sont des certificats nominatifs. »« Je le sais, pardieu, vous êtes trop prudente pour qu'il en soit autrement. Mais ouvrez tout de même le coffre, madame. » Ouvrez-le vous-même, ce sera plus simple. Ce ne sont pas les valeurs qui m'intéressent. Je ne l'ouvrirai pas, déclara Madame de Praz en blêmissant et en mettant la main sur sa poitrine où ce geste décela la présence de la clé. Il y a là-dedans des lettres dont je n'ai pas le droit de disposer parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Ah ah, des lettres compromettantes, n'est-ce pas? Et adressées à... « À moi, » fit Lionel rudement, « et je suppose que vous savez par qui ces lettres m'ont été adressées. »« Ouvrez le coffre, madame, » dit Jean Mareuil. « Non, » refusa Madame de Praz. Et tout son corps vibrait de résolution. Elle reprenait peu à peu son sang-froid habituel. Freddy, le chalumeau. Railleur et paraissant enchanté de tout ce qu'il entendait, Freddy passait une éponge sur le battant du coffre. Lionel griffonna quelques mots sur un bout de papier qu'il fit lire à Jean Mareuil sans toutefois s'en dessaisir. Si peu compromettantes que soient ces lettres pour la mémoire de Madame Laval, je ne crois pas que Gilberte prendrait plaisir à les lire. Ma tante Laval ne voulait que me remettre dans le droit chemin. Mais le mystère dont elle enveloppait cette bonne œuvre lui prête une équivoque qui ne tient qu'à moi d'accentuer. Laissez ce coffre et ses lettres. Sinon, Gilberte saura tout à l'heure que sa mère m'écrivait en secret. Et c'est justement ce que vous voulez éviter en vous emparant de ces lettres. Si vous les prenez, tant pis pour Gilberte. Je vous obligerai à les lui montrer et je les commenterai à ma façon. Jean Mareuil, ayant lu ce message, dont le signataire ne se déposséda point, réfléchit un instant, regarda l'un après l'autre Lionel, sa mère, Gilberte, Aubry qui restait au second plan. « Attends encore un peu, Freddy, » commanda-t-il. Et s'adressant à Madame de Praz, « Vous ouvrirez ce coffre, madame. Nous verrons bien. Vous l'ouvrirez. Et vous, monsieur, vous ne trahirez pas le secret des lettres. » 5 minutes, 10 peut-être, me suffiront pour vous retourner tous les deux. Le temps de vous faire comprendre certaines choses dont vous ne semblez pas vous douter, ni l'un ni l'autre, ni cette espèce de gros singe-là, qui se tient dans une réserve si discrète, Aubry, je crois. Bien. Écoutez-moi donc. Il s'agit d'une affaire beaucoup plus importante que vous ne le pensez.